chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. Profitez du prix employé jusqu'au 2 octobre sur le F-150. De plus, profitez d'un rabais de 1 000 $ supplémentaires si vous êtes membre Costco. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford souligne l'importance d'acheter localement pour soutenir notre économie. On va parler, c'est pas mal une entrevue de plug, mais il est tellement un bon client qu'on va faire une entrevue avec lui. C'est notre ami Stéphane Leroyer du magasin Intersport du secteur de Dolbeau qui a annoncé la semaine passée que son magasin va changer de bannière. Quelles sont les raisons, on lui pense? Salut Stéphane. Salut Danny. Stéphane, c'est quoi les raisons? Écoute, c'est pas que j'ai annoncé, pour faire une histoire courte, les magasins, les 60 magasins Sport Expert, les 40 magasins Intersport, les bannières de hockey que vous voyez de ce monde, les boutiques Atmosphère sont détenues par Canadian Tire. OK. Et Canadian Tire a décidé de faire de la synergie entre ces bannières. Il faut comprendre que les Sport Expert, les Intersport étaient des boutiques un peu similaires. Intersport petit marché, Sport Expert gros marché. OK. Et 60 Sport Expert, 40 Intersport font 100 boutiques de sport. Donc, automatiquement, on devient la force des boutiques de sport au Québec et je te dirais même au Canada. C'est une décision que les dirigeants ont pris, une décision de synergie reliée à la compétitivité qu'il y a aujourd'hui dans le domaine, bien sûr, de l'équipement sportif et du vêtement sportif. Okay. Pouvoir d'achat augmenté, plus de marques, etc., etc. Donc, moi, je pense que pour un avenir rapproché et lointain, ça devient très positif pour le consommateur et pour nous. Donc, meilleur pouvoir d'achat veut dire exactement meilleur prix peut-être pour le consommateur. Ben, sans doute que les circulaires, vous allez le voir là à compter, je vous dirais, à partir de Noël, les circulaires vont être encore plus variés pour le consommateur, okay. Effectivement, où ce qu'on va retrouver davantage de produits. Un site internet beaucoup plus actif, okay. Des achats en ligne beaucoup plus actifs. Les gens vont pouvoir venir voir mon inventaire, exemple, dans mon magasin Robertval ou Dolbeau directement par le site d'achat Sport Expert. Okay. Tout ça va faire en sorte, écoute, on passe à 100 magasins, fait qu'automatiquement, le dynamisme et l'énergie est plus là. Ça veut dire que tu vas t'agrandir? Je te dirais qu'à court terme, non. Okay. Court terme, je te parle peut-être de 0-2 ans, parce qu'il faut comprendre qu'on a des baux de location et tout et tout. Ouais. Mais je te dirais, à long terme, pour moi, à long terme, c'est 3 ans, 4 ans. Il y a des projets, effectivement, qui vont être dans l'air sûrement, de mise aux normes par rapport aux nouvelles couleurs, aux nouveaux projets de Sport Expert. On va y travailler dans les prochaines années, mais ça se fera pas là dans la prochaine année. Si tu veux. OK. Dis-moi, moi je pensais qu'Intersport c'était international parce qu'on voyait les justement l'année passée Alex Harvey une course, on voyait Intersport. Ben oui, Intersport c'est une bannière effectivement internationale qui est détenue par des gens en Europe et le groupe Canadian Tire eux avaient un droit en Amérique du Nord. Qui exploitait des magasins au Québec, puis un petit peu partout au Canada. Mais la franchise n'appartenait pas à Canadian Tire, c'est directement Intersport Europe. Donc, je te disais qu'ils venaient en termes, ils venaient à la fin du contrat, si tu veux, puis ils en ont profité pour... Donc, ça veut dire qu'Intersport n'existera plus? Non, pas du tout. Effectivement, là, je te dirais qu'à partir du 25 octobre, là, vous allez voir de moins en moins l'affichage Intersport. Écoute, pour nous, c'est quand même gros localement parce faut comprendre que vous le voyez partout, Intersport. Ben donc, on a quand même un travail à faire là, dans les mois à venir. Là. Premièrement, à partir du 15 octobre, les affichages extérieurs du magasin vont changer. La Zamboni que vous voyez dans le secteur, mais c'est il va falloir la changer. C'est vrai, on a des tentes de promotion, des drapeaux, des affiches un peu partout. Il y a quand même une incidence assez importante pour nous, le franchisé, mais écoute, il faut y aller. Tu me fais penser, il va falloir que je change ta pancarte. Oui, tout ce qui est média, ouais. Effectivement, là, tranquillement, là, je vais faire des téléphones puis demander que ça soit changé pour Sport Expert Au fond des années. Moi, je suis très motivé d'être devenu membre Sport Expert. Écoute, faut quand même admettre que Sport Expert, on les voit partout. Ben oui. Si quand tu demandes à un jeune ou à une personne plus âgée, où t'aimerais ou où est-ce que tu veux faire tes emplettes de sport, ben le premier nom qui sort, là, ça c'est statistiquement parlant, c'est Sport Expert. Il y en a déjà eu un, Dolbeau-Mistassini, un Sport Expert. Il y en a déjà eu un, j'ai Martin Simard qui travaille pour Intersport depuis 25-30 ans, là, il a déjà travaillé pour Sport Expert. Galerie des Érables. Effectivement, aux Galeries des Érables. Où est le restaurant, voyons, qui va changer de main, là. Oui, 3F, là. 3F, donc, on revient au bleu, ouais. Et à Sport Expert, puis on va le porter fièrement, puis on va continuer à vous donner un aussi bon service, sinon plus, puis on va travailler d'arrache-pied pour faire en sorte que les gens, que l'expérience magasinage chez Sport Expert soit toujours aussi agréable. Ben bravo, puis au plaisir de se reparler, Stéphane, pour de gêner. Merci beaucoup. Stéphane Leroyer, du propriétaire du magasin Intersport.